pas de fausses notes avec Guillermo Guiz et son humeur. Bonsoir. Bonjour les amis. C'est le mec dans le t-shirt là, c'est lui. Alors vous le savez naturellement, j'ai une vie de légumes oubliés. mais j'en fais quand même profiter le service public, malgré l'hostilité notoire de Leïla et de ses sous-fifres. Oui. Bon, il m'arrivait 2-3 bricoles dans mes tentatives récentes de déplacement assisté. Notamment il y a quelques jours dans le métro, j'avais un jeune homme en face de moi, il a les cheveux propres et tout, mais je vois qu'il va pas bien. Et à un moment... Voilà, il vomit l'équivalent d'un petit étang de liquide pourpre à 40 cm de mes tibias, projetant une partie de son bœuf stroganoff sur l'ourlet de mon pantalon. Et j'ai envie de dire à ce garçon, quid du vivre ensemble? Quid du vivre ensemble? J'ai lu tous les bouquins de Nadine de Rothschild, nulle part il y a marqué que pour entamer une camaraderie, il faut partager ses sucs gastriques sous les sujets d'un inconnu. Donc, alors pour éviter ça, je me dis, ah ben, j'arrête le métro, je prends des taxis. Mais les taxis, depuis l'arrivée des VTC, ils se divisent en deux grandes catégories. D'un côté, il y a ceux qui ont profité de l'arrivée des VTC pour dire, tiens, c'est juste, on est des taximans, on n'est pas des gardiens de prison. Ils ont radicalement changé d'attitude. Aujourd'hui, ils t'ouvrent la porte et tout, ils te consolent un chagrin, ils te préparent une carbonara. Ils ont changé quoi. T'es plus un client, t'es un secrétaire d'État, tu sors de la voiture, tu commences à serrer des mains et tout. Mais le problème. Ils mettent des bouteilles d'eau. Ouais, exactement, il y a tout. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que. Il y a aussi l'autre catégorie de taxis, c'est ceux que l'arrivée des VTC a complètement découragé. Et eux, franchement, eux, ils n'ont plus rien à perdre. ils cultivent de la beuh dans l'allume-cigare et tout. C'est même pas qu'ils te tutoient, c'est qu'ils te donnent du ça va ma couille, je te dépose, c'est pas enculé. Puis ils te jettent dehors comme une motte de terre, comme ça, vraiment. Et moi, j'ai eu droit à cette option-là ce week-end. Après 20 secondes de course, le mec s'arrête sur les Champs-Élysées, il me fait attends un peu, s'il te plaît, je vais snapper un truc. J'ai dit ouais, pas de problème, c'est pas comme si j'étais un client ou que, tu vois, que le compteur tournait. Et s'il doit créer un mail ou jouer au poker online, tu me dis moi, je vais m'occuper, je vais faire un sudoku. Et on repart. Et là, il voit une fille sur les Champs-Élysées, il me fait tu vois elle, tu la soulèves normal. Parenthèse. S'il y a bien un truc que j'aime bien à Paris, c'est que je comprends jamais comment vous construisez vos expressions. Tu la soulèves normal. Ça veut dire quoi? Tu vois cette pizza, tu la découpes vitrée. Tu vois ce film, tu l'envisages flétri. Il n'y a pas de logique dans la juxtaposition des mots. Bref, la fille en question, non seulement il se dit que je la soulève normal, mais en plus il me fait viens, on la prend avec nous. Oh, comment ça avec nous? Putain, on a mis depuis 4 minutes, tu veux déjà m'impliquer dans un scandale sexuel? J'ai dit arrête, c'est vrai que je suis sur France Inter, mais je le connais pas si bien, Daniel Morin. Il me fait non, t'inquiète, on va lui demander de monter. Je fais non, merci, t'as pas lu les journaux récemment là ou quoi? Et il ouvre ma fenêtre à moi et il écrit mademoiselle un taxi. Je fais putain, j'ai envie de crever dans un Flash Garden quoi. La prochaine fois, non, c'est vrai, la dernière fois où j'ai aussi honte de ma vie, c'était en voyant le salaire que me proposait Nagui. Et d'ailleurs, vraiment, autant vous dire que quand il est devenu juste raciste, ça m'a soulagé quoi, vraiment. Je lui ai dit que j'étais belge, il m'a fait laisse tomber les Belges. La Belgique, c'est claqué, les gens ils sont tous endormis, ils sont à moitié paysans, moitié villageois. Franchement, sérieux, votre accent il vous rend débile. Mais bon, c'est pas cool pour mon pays. La Belgique a quand même fait pas mal pour la construction européenne, mais au moins sur ce terrain là, je risquais pas de finir dans un hashtag quoi. Donc limite, c'était vraiment, c'est vrai, c'était limite drôle quoi. Donc pour éviter ça, je me dis j'arrête les taxis, je prends des Uber. Au moins, si le chauffeur Uber il me propose de kidnapper une fille, au moins je peux lui mettre que 2 étoiles. C'est vrai. Début de semaine, il y a un peu de soleil, je prends un Uber et le mec il commence sa course en me disant on a de la chance avec le temps, non? Je dis ah ben voilà. Là j'ai dit oui, j'ai dit le small talk sur la météo, ça je gère quand même vraiment. Je peux tenir au moins 3 km sur les grelons. Mais 5 minutes plus tard, c'est vrai, au moins 2 km je tiens. Mais 5 minutes plus tard, dans une discussion sur je sais plus quel milieu social, il me fait oh, c'est comme tous les milieux, vous savez, regardez-moi par exemple, on m'a accusé d'avoir tripoté une gamine, j'attends toujours les preuves. Je dis c'est pas possible, c'est un complot quoi, je suis maudit, je vais rendez-moi mon taximan obsédé, rendez-moi mon vomi, j'ai le small talk sur la pédophilie, ça, j'ai quand même pas encore les épaules quoi. Je savais pas quoi répondre forcément, le gars, j'allais pas lui faire c'était bien, vous avez kiffé. Mais c'est vrai, non. Qu'est-ce que j'allais lui faire? Donc je lui dis vous avez eu des problèmes. Je savais pas quoi dire. Donc, comme quoi, au lieu de bouger partout comme des poules sans tête, parfois on ferait mieux de rester chez soi et rien foutre. Allez, bonne émission, les amis. Merci Guillaume Guiz. France Inter, Nagui, la bande originale.